Donc bonjour mes frères et sœurs, et en ce vendredi, nous allons terminer aujourd'hui acte 2. Hier j'avais dit qu'on terminerait, mais on n'a pas eu le temps. Donc on va le terminer aujourd'hui, on va faire un petit résumé, puis on va terminer ce chapitre qui marque l'histoire, le début de l'histoire de l'Église. Donc, vous savez comme moi qu'on a besoin de Dieu, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Donc, nous allons ensemble le prier pour pouvoir être éclairés par lui. Notre Père du ciel, merci pour ce livre des actes qui nous montre comment tu bâtis ton Église. Qui tu utilises pour bâtir ton Église? Afin que toute la gloire te revienne. Nous demandons que par ton Esprit Saint, tu nous éclaires, tu nous conduises dans la vérité, car la vérité nous affranchit, la vérité nous libère, la vérité te glorifie. Conduis-nous, au nom de Jésus. Amen. Nous résumons. Ce jour qui a été probablement une longue journée pour eux, et dès 9h du matin, parce que c'était la troisième heure du jour, dès 9h du matin, il y a eu l'arrivée du Saint-Esprit avec un grand bruit. C'est ce grand bruit qui a attiré la populace. Ensuite, ça, il y a eu des langues de feu qui, selon ma compréhension, ont montré que tous les croyants reçoivent le même esprit, parce que tous les croyants ont reçu une langue de feu, comme une langue de feu sur eux, et tous les croyants ont parlé en langue. Et le parler en langue n'était pas pour faire de l'évangélisation, le parler en langue n'était pas pour faire de la louange, le parler en langue n'était pas pour l'édification personnelle. Le parler en langue, on a vu que Pierre dit, c'est un signe, c'est l'accomplissement d'une prophétie que Joël avait fait. Une prophétie qui accompagnerait la venue du Messie, une prophétie qui concernait les derniers jours ou les derniers temps. Et Dieu dit maintenant, je vais répandre mon esprit sur toute chair, sur mes fils et mes filles. Tous ceux qui vont se tourner vers le Seigneur, tous ceux qui vont invoquer le nom du Seigneur, vont recevoir le don du Saint-Esprit. Et en faisant cela, Dieu démontre qu'il commence une nouvelle ère. Terminer l'exclusivité d'Israël pour atteindre les nations. Maintenant, c'est les nations qui vont atteindre toutes les nations. Et même, je dirais que les nations vont atteindre les Juifs. Ce qui a été impensable dans ce temps-là. Mais à ce moment-là, c'est ce que Pierre explique. Ensuite, on a vu que Pierre prêche les Écritures. Prêche les Écritures. À la foule, et dit à la foule que celui que vous avez crucifié, Jésus de Nazareth, Dieu a démontré que c'était lui le Messie. Il l'a démontré en lui donnant la capacité de faire des miracles, il l'a démontré en le ressuscitant, il l'a démontré en l'élevant à sa droite, et il l'a démontré en lui donnant le Saint-Esprit afin qu'il le répande sur le peuple de Dieu, et il l'a fait de lui un Seigneur et le Christ. Et on a vu ensemble que beaucoup, combien de gens qu'il y avait là? 10 000, 20 000, 30 000, je ne sais pas. Il y en a qui disent même 100 000. C'était beaucoup de monde qui était en Israël pendant la Pentecôte. Mais c'est ce qu'on sait, c'est que Pierre leur dit, Malgré la faute que vous avez faite de crucifier le Messie, Dieu vous offre le pardon et le don du Saint-Esprit. Comme vous le voyez et l'entendez maintenant, Dieu vous l'offre à vous aussi, à tout le monde. Deux choses pour l'avoir, la repentance et le baptême du Saint-Esprit. Repentance veut dire reconnaître notre rébellion envers Dieu, lui donner la place de Dieu et nous la place de serviteur, lui donner la place de créateur, prendre notre place de créature, lui donner la place de Seigneur et prendre notre place de sujet ou de serviteur. La repentance, ce n'est pas reconnaître qu'on a des péchés. Tous les mouvements religieux reconnaissent ça. Mais ils ne reconnaissent pas tous qui sont rebelles envers Dieu, qui sont ennemis de Dieu. Il dit, repens-toi, repentez-vous d'avoir tué le Messie qui démontrait votre rébellion envers Dieu. Et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus. Donc, le baptême, c'est ce qu'on peut comprendre dans notre texte d'hier. Ils se sont fait baptiser la même journée qu'ils ont fait la profession de foi. Moi, j'encourage, prenons plus de temps pour bien expliquer l'Évangile, bien expliquer c'est quoi la repentance, bien expliquer c'est qui Jésus-Christ, et quand les gens font profession de foi, baptisons-les le plus tôt possible. Je déplore personnellement les églises qui retardent les baptêmes de 6 mois, d'un an, parce qu'il n'y a pas assez de baptisés, il fait trop froid, il n'y a pas d'eau. Baptisons les gens le plus proche possible de leur profession de foi. C'est là qu'il fait du sens. Je me souviens, quand je me suis fait baptiser, j'ai invité ma mère, et elle dit, « Pourquoi tu t'es baptisé? » Ben, pour montrer que je crois en Jésus, pour montrer que, ben, ça fait longtemps qu'on sait que tu crois en Jésus, là, ça fait 2 ans que tu nous prêches l'Évangile. Si j'avais bien trop d'espace entre les deux, ça faisait plus de sens, ça. C'est comme mettre une alliance quand ça fait 12 ans que tu vis avec la même femme ou avec le même homme. Ça fait pas grand sens, ça. Et ceux qui font ça reçoivent le pardon et le baptême du Saint-Esprit. Quelle grâce de Dieu! Pas juste pardonner. Le Saint-Esprit vient habiter et on devient le temple de Dieu. On est en relation avec Dieu. On vit avec Dieu. On est des instruments de Dieu. On sert à la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe après? Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce petit résumé ici, c'est plus que le résumé d'une journée ou d'une semaine. Parce qu'il n'y aurait pas eu le temps de tout vendre de propriété, vendre ici, vendre ça, s'assembler ensemble et... Non, c'est une période de temps que ça s'est passé. Combien de temps? On ne sait pas au juste. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne crois pas que le texte, comme plusieurs ont pensé, que nous invite à faire des communes chrétiennes. Je ne pense pas. Et on ne voit pas ça dans les actes, et on ne voit pas ça ensuite dans les épîtres. Mais il dit que ceux qui avaient cru les 3 000, et ceux qui s'ajoutaient, semblement quotidiennement, ils faisaient 4 choses. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, il y avait de l'enseignement qui se donnait par les apôtres. Voyez-vous, ça donne une autorité ici, encore une fois, aux apôtres. Je vous l'ai dit, les actes des apôtres, c'est une des raisons qui a été écrite, c'est pour donner autorité aux apôtres et pour que Théophile puisse croire que ce que les apôtres enseignent vient de Dieu et que c'est vrai. Ils persévèrent. Donc, ils reçoivent continuellement de l'enseignement et ils y persévèrent. c'est qu'il essaie de la mettre en pratique et de la comprendre et de la vivre. Ils vont dans la communion fraternelle. Donc, communion fraternelle, c'est ce qu'on voit par après. Ils prennent soin les uns des autres. La communion fraternelle, c'était pas juste on va jouer au quai ensemble. C'est rien de mal d'aller jouer au quai. Mais on ne devrait pas appeler ça juste la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est les saints qui s'occupent les uns des autres. Autant spirituellement que physiquement, que matériellement, ou quoi que ce soit. Ils persévèrent aussi dans la fraction du pain. Donc ça, c'est le repas du Seigneur. Et dans les prières. Donc, on appelle ça les quatre piliers de la vie chrétienne. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Encourageons-nous à mettre en pratique ces quatre choses-là. Ça n'a pas besoin d'être toujours programmé par l'Église. Mais on peut le faire entre nous. On se rend compte les uns les autres. On se rend compte en petits groupes. On s'invite à souper, 4, 5, 6, 7, 8, 10, et on mange ensemble. On s'écoute. Les fractions du pain, le repas du Seigneur. Personnellement, dans les églises que j'ai parties, on pratiquait le repas du Seigneur tous les dimanches. Toutes les fois qu'on se rencontrait en église, on pratiquait le repas du Seigneur. C'est tellement bon de se rappeler la grâce de Dieu. C'est tellement dangereux pour les églises de s'éloigner de la grâce et de pratiquer les œuvres pour être béni, pour être justifié, sanctifié. On s'éloigne facilement. La chair nous attire dans cette direction-là. Mais en méditant sur le repas du Seigneur, on ne peut pas faire autrement que d'adorer et de louer. Et de mieux comprendre de semaine en semaine qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et ensuite, et prier ensemble. Encourageons-nous à prier quand on se rencontre. Moi-même, c'est pas toujours facile, quand on se rencontre en chrétien, de prendre un temps de prière. Encourageons-nous à le faire. Et pendant toute cette période de temps, il y avait beaucoup, verset 43, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges faits par les apôtres. Et ça leur donne la crédibilité. Plus ils en font, plus les gens sont dans la crainte. Plus les gens sont à l'écoute. Plus les gens croient qu'ils viennent de Dieu. Plus les gens vont s'approcher afin d'écouter ce que Dieu dit. Et c'est à travers tout cela que les apôtres vont mettre le fondement à la parole de Dieu. Les fondements à l'enseignement qu'ils ont emmené de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont emmener les fondements de l'Église. Et dans verset 44, je crois que cette période concerne surtout le temps où les 3000 sont restés ensemble, les 3000, 4000, peu importe comment ça s'en est ajouté dans les semaines et les mois qui sont venus. Parce que pas longtemps, dans quelques chapitres, on va voir un autre 2000. Je crois qu'il y a eu un temps là où on a fait un effort spécial pour que les gens soient ensemble et on mette des fondements. Jusqu'au chapitre 8, où est-ce qu'il va y avoir la grande persécution et là les chrétiens vont être poussés en dehors de Jérusalem afin d'atteindre le monde. Mais à chaque jour, ils sont ensemble au temple pour manger, pour prier, pour se réjouir, pour louer le Seigneur. Et ils vont dans les maisons, ils prennent leur nourriture, ils louent le Seigneur, sont heureux de vivre en commune. On devrait être heureux d'être ensemble et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Même les gens qui n'étaient pas croyants trouvaient ça beau ce qui se vivait. Ce partage mutuel. Cette fraternité, cette entente, ces miracles qui se passaient. Même les gens du dehors étaient attirés par ça. Et faisons-le pas pour que le monde nous voie comme cela. Faisons-le parce que c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qui nous réjouit. Mais ça va avoir un impact dans la société. Et ça termine en disant, « Et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Je crois personnellement, quand Dieu sauve quelqu'un, il l'ajoute toujours à l'Église. Quand je parle d'Église, faites attention. Je ne parle pas toujours d'Église reconnue, ou d'Église structurée, ou d'Église organisée avec des noms, ou quoi que ce soit. Ça peut être ça. Mais ça pourrait être juste un groupe de chrétiens, 5 chrétiens, 10 chrétiens, Le nouveau chrétien veut se joindre à d'autres chrétiens. C'est normal. C'est normal. C'est naturel. Quelqu'un qui me dit, j'accepte le Seigneur, je suis sauvé, mais ça ne m'intéresse pas d'être avec les chrétiens, je mets en doute son salut. Je mets en doute ton salut. Dieu a fait, nous a pas créés pour être une île. Il nous a créés pour faire partie d'un groupe. On est des brebis, on est en troupeau. On est un corps, donc on est un ensemble de parties du corps. On était créé pour être de même. Il n'y a pas de doigt qui a été créé pour être seul. Les doigts sont après la main après le poignet après le bras après l'épaule. Et l'épaule après le corps. Et le corps après la tête. C'est indéniable, c'est irréfutable, c'est incontestable. Des chrétiens, ça vit ensemble. Ça veut être ensemble. La structure que vous préférez, ça, c'est à votre guise. Grosse, petite, petite troupe, longue pote, la sorte de musique que vous aimez, combien de gens qu'il y a dans le groupe, ça n'a pas d'importance. Belle grosse bâtisse, dans les caves, ça n'a pas d'importance. Personnellement, j'ai passé ma vie de chrétien, presque une grande partie de ma vie de chrétien, dans des petits groupes de maisons. Des églises de 4, 5, 10, 15, 20. J'ai passé une grande partie de ma vie chrétienne là-dedans. Et j'aimais ça. Je préfère ça aux grosses églises. Il n'y a rien de mal dans les grosses églises. Si c'est ça que tu aimes, vas-y mon frère, parce que le Seigneur ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Si le Seigneur ne t'ajoute pas à l'église, c'est parce que tu n'es pas sauvé. Donc, ça, c'était la vie des premiers croyants. On va voir plus de détails en s'en allant. Mais ça, c'était l'ensemble. On s'occupe les uns des autres, et il y a l'enseignement des apôtres, il y a la communion fraternelle, il y a le repas du Seigneur, et la prière. Ça, ça peut prendre des millions de formes à travers l'histoire de l'Église, de différents peuples, différentes économies, différentes couches sociales, ça n'a pas d'importance. Mais ces quatre choses-là sont toujours là. Dans toute l'histoire de l'Église, dans tout le Nouveau Testament, ces quatre choses-là sont toujours là. Donc on doit le pratiquer. On doit le pratiquer. Pour avoir une vie chrétienne équilibrée. Notre Père du ciel, nous te remercions pour ces quelques versets. Merci que tu nous donnes quelques principes ici pour diriger notre vie de nouveaux croyants ou de croyants. Nous voulons vivre notre vie de croyant comme tu le veux, comme tu l'entends. Aide-nous en tant que groupe à ne pas compliquer les choses, mais à rester simple. Donnons-nous de ne pas nous juger sur les quand, les comment. Nous faisons les choses. Ça n'a pas d'importance. Mais encourageons-nous à les faire. Vivons en communauté autant qu'il nous est possible. C'est là que ça va se passer la vie chrétienne. C'est très rare que ça se passe le dimanche matin. Aide-nous, Seigneur, à vivre et trouver grâce auprès du peuple dans lequel nous vivons. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.